France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Combustible et matière première indispensable jusqu'à récemment encore à la fabrication des outils, des armes, des abris, des moyens de transport et à la fonte des métaux, le bois accompagne l'histoire de l'humanité depuis toujours. C'est au bois que l'espèce humaine doit d'avoir survécu et traversé les millénaires. Raconter son histoire, c'est faire le récit de tous les âges de l'humanité, de toutes les histoires des civilisations. Telle n'était pas l'ambition de l'épopée des matières premières, la série en 10 épisodes proposée en 1980 par la communauté des radios publiques de langue française, dont le troisième numéro était consacré au bois. On s'y intéressait aux méfaits de la civilisation industrielle sur les forêts, à l'histoire de la forêt française depuis le Moyen-Âge, à ses transformations et à l'avenir du bois pour le XXIe siècle, en compagnie de l'écrivain Jean Saltel, du directeur du département forestier de l'INRA, Pierre Bouvarel, du naturaliste et forestier Alain Persuit et de René Brunet, directeur du Centre technique du bois. Communauté des radios publiques de langue française, l'épopée des matières premières, troisième des 10 épisodes, Le Bois, une émission diffusée la première fois le 20 août 1980 sur France Culture. Communauté radiophonique des programmes de langue française, l'épopée des matières premières. Une suite d'émissions d'Olivia Zemmour, Michel Pierre et Daniel Wolfram, réalisée par Olivier Dorère. Montage, Micheline Noël. Aujourd'hui, le bois. J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Alain Persuit, vous faites partie des écologistes et à l'heure actuelle, vous mettez les gens en garde contre les risques que court la forêt, pas simplement en France, mais dans l'ensemble du monde. Pour quelles raisons ? Bien tout simplement parce qu'on constate à l'heure actuelle, aussi bien effectivement qu'en France que dans les pays comme l'Afrique centrale ou l'Amazonie, une régression des forêts primitives ou des forêts tropicales. Il y a plusieurs raisons à cela, une raison humaine essentiellement, qui est l'exploitation industrielle de la forêt, qui est l'assèchement progressif de zones humides qui modifient le climat et qui ne favorise pas la réinstallation de la forêt, les problèmes de techniques culturales qui interviennent également, en particulier en Afrique, et puis les problèmes d'infrastructures lourdes telles que des autoroutes, qui par exemple en Amazonie à l'heure actuelle hypothèquent sérieusement l'avenir des peuplements forestiers. Malgré les efforts de reboisement qui sont effectués un petit peu partout, malgré la prise de conscience d'un certain nombre de pays et les prises de position favorables à la forêt, on est obligé de constater que la véritable forêt, celle qui pour les écologistes est une forêt vivante avec une faune et une flore, est en train de disparaître et d'être remplacée par une autre forêt, une forêt industrielle, mais qui n'a plus la même valeur. Vous dites que la forêt est remplacée par des autoroutes et des usines, mais je suppose que l'humanité a besoin de ces autoroutes et de ces usines. Alors, quelle est la solution que vous proposez ? Je crois que le problème principal est un problème d'équilibre entre l'homme et la nature. Si une population d'un pays augmente plus ou moins indéfiniment, il arrivera forcément que le territoire de l'homme chevauchera le territoire de la nature et se poseront les problèmes consécutifs à cette situation. Une population en augmentation devra se loger, devra disposer d'autoroutes effectivement pour se déplacer, devra disposer de zones industrielles pour y pouvoir travailler. Ces implantations se feront automatiquement sur le territoire resté vierge, donc sur le territoire de la forêt. Je crois que sans renier la nécessité des autoroutes ou des zones industrielles ou même d'une urbanisation nouvelle pour des populations qui vivent souvent dans des conditions difficiles, il est important de redéfinir la place respective de l'homme et de la nature. La forêt n'a jamais eu besoin de l'homme, l'homme a toujours eu besoin de la forêt. Donc vous n'êtes pas contre le déboisement de la forêt ? Absolument pas. Je crois que, en toute chose, il y a le bien et le mal. On peut parfaitement exploiter la forêt en observant des méthodes mises au point depuis longtemps en France et qui avaient fait école en Afrique occidentale. Particulièrement, c'est ce que l'on a appelé la sylviculture, la culture de la sylve. Bien, la forêt, à partir du moment où elle fournit un produit, doit être exploitée. C'est même une nécessité si l'on veut, par exemple, avoir du bois de charpente. Dans une forêt vierge, il serait difficile de trouver cette qualité de bois dont nous avons besoin. Donc les écologistes disent « exploitons la forêt, mais exploitons-la d'une manière sensée, en prenant notre temps, en respectant les mécanismes naturels. Une forêt est composée d'arbres, les arbres donnent un certain nombre de fruits qui poussent. Le forestier observe cette évolution naturelle et l'aide. Or, à l'heure actuelle, on peut aussi fournir ce bois d'une autre manière. » C'est la manière que critiquent les écologistes et d'ailleurs les forestiers de terrain. C'est une manière beaucoup plus brutale qui s'est traduite dans un certain nombre de pays, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne ou même que ce soit en Afrique, par des opérations que l'on a pu appeler coupe rase, c'est-à-dire faire passer un bulldozer sur une superficie assez importante pour replanter ensuite artificiellement, parce que ça va beaucoup plus vite et que l'on emploie moins de personnel. Alors justement, de quelle manière réduire notre consommation de bois ? Il y a plusieurs façons de le faire. La première, si vous voulez, est une idée qui vient assez facilement à l'esprit, c'est d'éviter le gaspillage de papier. Tout le monde reçoit dans sa boîte aux lettres énormément de publicités qui sont mises à la poubelle très vite. Il y a un gaspillage de papier dans les administrations. C'est une solution à court terme et je crois que ça permettrait de soulager de beaucoup la pression qui est actuellement exercée sur la forêt. D'autant plus que la pâte à papier se fait essentiellement à partir de bois résineux. Et donc, le problème de la pâte à papier se rattache à celui dont on parlait tout à l'heure, à savoir l'enrésinement, qui peut être traumatisant pour le milieu naturel. Pourquoi ? Il y a beaucoup moins de faune et de flore dans une forêt résineuse que dans une forêt feuillue. Une forêt résineuse est une forêt qui est sombre, où la flore est extrêmement disséminée. Et il ne suffit pas à nourrir une population, par exemple, de gros cervidés intéressants ou de gros mammifères. De même, il y a beaucoup moins d'espèces d'oiseaux qui ne disposent pas d'endroits favorables pour nidifier ou de beaucoup moins d'endroits favorables pour nidifier. Donc une forêt résineuse est, biologiquement parlant, presque un désert. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes prêt à faire le sacrifice de vos meubles en bois pour avoir des meubles en acier ou en plastique ou en une autre matière ? Oui, c'est une bonne question parce que les meubles en acier et en plastique poseraient d'autres problèmes aux écologistes. Vous savez que le plastique, à l'heure actuelle, n'est pratiquement pas biodégradable et je ne sais pas ce qu'on ferait de meubles en plastique usagés, par exemple, alors que des meubles en bois usagés peuvent être restaurés ou alors recyclés. Je crois donc que le problème du meuble ou le problème de la charpente, c'est un problème réel. On aura toujours besoin de bois pour faire ceci. Moi-même, en tant qu'écologiste, j'ai des meubles en bois, mais je m'efforce dans ma vie de tous les jours de ne pas gaspiller ce matériau-là. Dans la mesure où tout le monde exigerait une économie du papier ou demanderait à l'industrie de se montrer plus économe du matériau bois, tout le monde pourrait avoir ses meubles sans poser de gros problèmes à la forêt. C'est un problème, je crois, d'évolution. Et un problème que l'on pourrait rattacher, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la démographie. Si nous savons vivre en équilibre avec la nature, il y aura suffisamment de bois pour tout le monde. Par contre, si nous nous emballons, aussi bien dans nos fabrications que dans notre nombre, il pourra y avoir régression du matériau bois. Vous êtes tous des bûcherons ou d'anciens bûcherons de Gérardmer dans les Vosges, n'est-ce pas ? Oui. Depuis combien de temps ? Depuis l'âge de 14 ans. Et où est-ce que vous avez appris le métier ? Avec mon père. Il était bûcheron aussi ? Oui. Alors racontez-nous un petit peu en quoi ça consiste, le métier de bûcheron. On coupait des arbres. Comment? Ouais, c'est-à-dire qu'avant, t'avais pas la tronçonneuse? Si, j'ai toujours eu la tronçonneuse. T'as toujours. T'as pas travaillé avec le pince? Non, jamais. Ah, non? Non, toujours la tronçonneuse. Autrement dit, t'as pas connu l'époque héroïque des bûcherons? Non. Et justement, où est-ce qu'on apprend le métier? Comment ça s'apprend? Ça s'apprend étant tout jeune, depuis, ça se vole. Il faut travailler métier, pour apprendre, faut... là. Oui. C'est les années qu'il faut. Et puis il faut copier aussi sur les anciens. Oui, il faut regarder comment c'est. Il faut regarder que c'est pas. Puis il faut avoir les méthodes aussi. Mm. Puis pour diriger un bois. Ah, diriger un bois, oui. Qu'est-ce que vous appelez diriger un bois? C'est le faire le grand chute. Faire un grand chute, oui. Voilà, vous aviez un bois, il doit tomber là. Alors, c'est pas là, c'est là. On mettait un piquet à 20 mètres avec un bout de papier. Et puis on faisait l'entaille. Avec le bon Dieu, parce qu'on avait un bon Dieu. C'était une équerre, ni plus ni moins, une équerre double, qu'on mettait pour avoir la direction. Alors on pointait selon le machin. En tenant compte s'il penchait à droite ou à gauche, Ils avaient le bon Dieu. En arrière ou en avant. Une espèce d'équerre. Ben non, ça se fait plus. C'était le bon Dieu. Est-ce que c'est un métier très dur? Je pense, oui. Qu'est-ce que ça demande comme qualité? De l'endurance, de la persévérance. Et puis du doigté aussi. Et puis une bonne santé, des bonnes jambes, des bons poumons. Puis des bons bras. Puis un bon estomac, non? Et puis, l'estomac. Oui, l'estomac. Un bon estomac. Pourquoi l'estomac? Pour absorber ce qu'il faut manger, parce que quand on en dépense, il faut en remettre. Hein. Pas le tout dépenser. Si on demande beaucoup d'efforts, il faut beaucoup d'essence. Hein. Mm-hmm. C'est pareil. Voilà. Comment vous avez choisi ce métier? Parce que on était obligé. Si on voulait travailler, c'est que dans le temps là, il n'y avait pas de chômage. Il fallait travailler si on voulait avoir de l'argent. Alors tout à l'heure là, vous avez parlé d'un cheval. Vous vous servez d'un cheval pour faire quoi exactement? Maintenant, ça se fait plus le cheval. C'est tout des tracteurs. Oui. Et à quoi ça servait avant? À tirer les grumes. Tirer les grumes, les tronces. Les tronces. Les amener à chemin. Les amener à chemin. Ou à chargeoir. Mais il les amenait à chemin et il les amenait sur Syrie dans le temps. Oh, ah, l'espagnol, avec les voitures à tronc. La canne sûre, qui servait pour débarder dans les courues. Une courue, c'est-à-dire, c'est un faux chemin dans la forêt, quoi, où ils passent les chevaux, les bœufs, puis les schlitters aussi. Alors, qu'est-ce que c'est un schlitter? Un schlitter, c'est un type qui transporte le bois sur une schlit. C'est-à-dire? Sur un traîneau, c'est une sorte de traîneau. Avec deux cornes, parce qu'il faut des cornes. S'il n'y a pas de cornes, ça ne va pas, quoi. Il faut le tenir par les cornes. Oui. Les cornes, c'est les deux poignées, c'est les deux montants, en somme, du traîneau, qui reviennent comme ça un peu en arrière, que le schlitter tient une dans chaque main. Il conduit, en somme, en tirant sur les cornes, et il retient la schlit avec ses talons. Oui. Un faux pas, et c'est le trépas. Est-ce qu'on se sent indépendant, est-ce qu'on se sent un homme libre quand on exerce ce métier? Oui, non, c'est sûr. On est libre, oui. C'est pas le métier d'usine. Non. Un jour comme aujourd'hui, si tu veux pas travailler, tu vas pas, quoi. Personne ne te dit rien. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, complètement. C'est-à-dire que c'est le cas. On travaille à la tâche, Oui, c'est ça. On est alors, il faut qu'il fasse pour se nourrir, quoi. Il faut faire sa journée. Oui. Il faut qu'on vende sa compte. Payer au mètre cube. Oui, on est payé au mètre cube. Mettre au roster. Est-ce qu'il y a un folklore qui est lié à la forêt? Ben si, le groupe Atato. Ils ont essayé de restaurer un peu les vieilles méthodes de travail. Oui. Par exemple, quand c'est la fête des métiers à Gérardmer, ils ont fait la fenaison comme autrefois. Hein, c'est-à-dire qu'ils fanaient avec des râteaux en bois, etc. Ils font les gestes de l'ancien temps. Oui. Et là, avec le concours de schlitage, alors ils font ce qu'on parlait tout à l'heure, oui, cette espèce de métier très dur qui consiste à descendre le bois presque sur son dos en le faisant glisser sur des traverses. Alors ils ont fait ça, ils ont organisé un concours de schlitage. Il y a d'autres groupes, il y a aussi le groupe des Bequillons aussi. Les Bequillons, Axenrue. Alors c'est la même chose, ce sont des bûcherons. Alors eux organisent deux fois l'an à la saison, le 14 juillet et le 15 août, le repas bûcheron et la soirée bûcheron. Oui. Alors il y a des tas de gens qui viennent. Oui. Et qui mangent comme les bûcherons, c'est-à-dire le lard, sur le pouce avec le quignon de pain, etc. Sur le feu, là, sur les feuilles dehors, quoi. Voilà, et puis, ils font les danses classiques des bûcherons, la danse du cerceil, par exemple. Qui est, soyotte. La soyotte, les danses d'ici, quoi. Les pauvres auront bien du mal, et les femmes. enfants trouvent ça normal qu'ils travaillent dès le matin jusqu'à se briser les reins. Et de retour à la maison, elle leur flambe des coups de bâton. Et de retour à la maison, elle leur flambe des coups de bâton. La la la la la la. Dire à l'heure actuelle que la forêt est en danger, qu'est-ce que ça veut dire et d'abord est-ce que c'est vrai? Bon, je vais vous donner mon avis personnel, je ne pense pas du tout que la forêt soit en danger. Bien sûr, quand on parle de ça au moment où il y a eu des grands incendies là-bas dans le sud, ça peut étonner, mais quand on voit ici la quantité de gens premièrement qui replantent, qui repiquent du sapin par exemple ou de l'épicéa, qu'on voit l'importance de la forêt vosgienne, là je crois qu'elle n'a jamais été aussi importante qu'en ce moment. Il y a eu des périodes où elle était beaucoup moins florissante, c'est-à-dire qu'on avait taillé des coupes-sondes dedans, parce qu'il y avait toutes sortes de petites fonderies, de petits trucs comme ça qui s'étaient installés, et on brûlait du bois en quantité industrielle. Par exemple, les alentours de Gérardmer étaient complètement dénudés, il n'y avait pas une crête de Gérardmer qui était recouverte de sapin, tout était nu, c'était presque un désert, parce qu'on avait été trop loin. Alors actuellement, il suffit de se promener 5 minutes dans les Vosges pour s'apercevoir que la forêt n'est pas en danger. Elle n'a pas le risque de l'incendie déjà. Et puis en plus, je crois que, bon, ben les écologiques c'est bien, mais peut-être qu'ils vont des fois un peu trop loin. Actuellement, tenez, je vous donne un détail un peu amusant, les écologiques se sont mis dans la tête d'empêcher les gens de couper des jonquilles, soi-disant que c'était faire œuvre d'écologique que de ne pas cueillir des fleurs. Alors que tout le monde sait bien ici que les jonquilles c'est de la saloperie, qui poussent dans les champs, que tout le monde voudrait bien en être débarrassé, qu'autrefois on les fauchait pour ne pas empoisonner les vaches. Alors vous voyez, en somme, quand les gens viennent ici cueillir des jonquilles, ils font œuvre écologique et non pas quand ils les protègent, quoi. Autrefois, dans le tout vieux temps, la forêt vosgienne, il n'y avait pas de sapin, il n'y avait pas d'épicéa. Oui. C'était l'érable sycomore et c'était le châtaignier. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ah, ben alors je pense que là, à partir du moment où pousse un sapin, rien ne pousse en dessous. Hein. C'est le désert. Hein. Alors, il y a eu, je pense, comme il y a dans certaines régions, une espèce de plante qui domine les eaux. Bon, ben il y a eu certainement là un phénomène de sélection naturelle, si j'ose dire. Hein, le sapin a pris de l'ampleur. Puis alors après, c'est l'économie qui a fait qu'on a implanté l'épicéa. Parce que l'épicéa pousse beaucoup plus vite que le sapin, il n'en a pas les mêmes qualités, mais enfin, il se rapproche, quoi, si vous voulez. Puis je crois que le climat d'ici correspond aussi bien à la plantation du sapin que de l'épicéa. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra remplacer les bûcherons par des machines, comme on a remplacé les chevaux par des tracteurs? Oh, ça, c'est pas possible. Oh, je crois que si. Oh, pas partout. Pas partout, peut-être. Les terrains accidentés, vous ne les enlèverez pas. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, pas partout. Je crois que l'homme est encore supérieur aux machines. Ah mais j'ai pas dit ça, oui sans doute, oui. Mais quand on voit déjà pour la cueillette des fruits, c'est faramineux. Puis même, dernièrement, à la télé, il y a des coupes automatiques au Canada, et tout ça, avec des appareils absolument grandioses. Ah oui, je sais. Oui, quoi, hein. Alors foire exposition à Épinal, un engin, on coupe le bois avec une pince, comme une cisaille. Alors, mais à terrain plat, plat, hein. Bien sûr. Alors oui, quand c'est pas un terrain plat, comment on peut faire? Oui, on envoie les hommes. Oui, il y a fourra toujours. Hein, en montagne, du moins. Oui, dans les Landes peut-être pas, mais en montagne sûrement. Ouais. Ils vivaient en dehors des chemins forestiers. Ce n'était nullement un arbre de métier. Ils n'avaient jamais vu l'ombre d'un bûcheron. Ce grand chêne fier sur son tronc. Il eût connu des jours filés d'or et de soie, sans ses proches voisins, les pires gens qui soient. Des roseaux mal pensants, pas même des bambous, s'amusant à le mettre à bout. Du matin jusqu'au soir, ces petits rejetons, tout juste canne à pêche, à peine mirliton, lui tournant tout autour, chantait in extenso l'histoire du chêne et du roseau. Et bien qu'il fût en bois, les chênes s'écourant, la fable ne le laissait pas indifférent. Il advint que lassé d'être en but au lazi, il se résolut à l'exil. Jean Saltel, vous connaissez bien l'histoire de cette forêt. Pourriez-vous nous en parler? Et on est obligé de remonter à l'époque de Charlemagne pour comprendre un tout petit peu le processus d'ici, de ce qui s'est passé. À l'époque, les Vosges étaient couvertes de forêts comme maintenant. Il est probable que le sapin essayait de faire sa dominance, de faire sa percée, mais il est probable aussi qu'il y avait encore des quantités de feuillus. Et les forêts vosgiennes étaient très profondes, étaient très giboyeuses. Et les princes qui gouvernaient notre pays à l'époque avaient coutume de venir à la chasse dans nos montagnes. Et alors, un certain nombre de gens s'étant déplu, si vous voulez, dans la vie traditionnelle des cités, s'étaient réfugiés dans la forêt. Parce que c'était des insoumis, parce que c'était des gens qui ne voulaient pas payer l'impôt, etc. Ils étaient en relativement petit nombre, et ils vivaient en forêt, et ils étaient tranquilles. À l'époque, il y avait des ours, il y avait toutes sortes de bêtes comme ça. Et alors, quand ces princes et ces rois sont venus pour chasser dans les Vosges, ils se sont servis de ces gens-là. Et on appelait ces gens-là, à l'époque, les forestari, d'où le nom de forestiers, hein, ça vient de là. Il y a eu les forestaux par la suite, puis maintenant les forestiers. Ces gens-là, donc, ont fait, si vous voulez, un petit peu ce qui se passe actuellement en Afrique avec les safaris. Ils ont fait les guides de chasse pour les princes. Ils ont tellement été, utiles, ils ont tellement été même indispensables, parce que c'était un véritable dédale de sentiers, de marais, toutes sortes de choses comme ça. Le prince, pour les attacher, a lâché du lest auprès d'eux en leur donnant une lettre que tout le monde ici, les forestiers, connaissent bien, qu'on appelle la lettre de 832. La lettre de 832, elle a été écrite d'ailleurs en caractère tyronien, et c'est une espèce de sténo de l'époque. Et alors à ce moment-là, cette lettre de 832 qui a été signée par Louis le Débonnaire, le fils de Charlemagne, accordait donc à ces gens, ces forestari, des libertés extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils ne payaient pas le cens, hein. Ils étaient libérés jusqu'à la fin de leur jour du cens. À condition bien sûr qu'ils continuent cette fonction. Ils étaient libérés du ban, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas ce qu'on pourrait appeler maintenant le service militaire, c'est-à-dire le service auprès du prince pour aller en campagne. Ils en étaient dispensés. Et puis ils ne payaient pas la riban, bien sûr, qui est l'amende quand on n'a pas fait le banc, enfin, etc. Ils étaient libérés de toutes ces choses-là. Ils vivaient relativement heureux. Ces gens-là avaient deux avantages qu'ils avaient acquis. Ils fournissaient aux chasseurs, ils fournissaient les chiens, ils fournissaient les chevaux. Un certain nombre de légendes, bien sûr, viennent de cette époque. Il est probable qu'il y a des légendes qui viennent de beaucoup plus loin. Il y a même des faits dans la tradition qui viennent de plus loin. Au moment où les Celtes faisaient le cycle des feux, qu'on retrouve dans le feu de la Saint-Jean, le feu des Bures, dans la Bûche de Noël, etc., il y avait une cérémonie qui consistait à danser autour du feu. Il y avait un certain nombre de gestes traditionnels qui étaient faits. Et il y avait notamment un chant très particulier, qui est un chant qu'on appelle le yellow. Et ce chant yellow, il a un cousin germain que tout le monde connaît, qui s'appelle le yodel au Tyrol. C'est une espèce de chant qui vient de la gorge et qui monte très haut, c'est dont les notes sont très très lointaines, très très très élevées. Et c'était un chant traditionnel qui permettait aux bergers de communiquer d'une vallée à l'autre. Vous voyez, c'est aussi pour vous dire que parce que les gens ont vécu dans la forêt, parce qu'ils avaient des instruments en bois, parce qu'ils habitaient des maisons en bois, parce qu'ils ont tout fait avec le bois, et que le bois est essentiellement périssable, il est à peu près certain que, si vous voulez, la forêt est habitée depuis beaucoup plus longtemps qu'on le lit même maintenant dans nos livres encore. Je crois que si les gens y viennent, si en somme ils quittent la ville et qu'ils viennent se baigner dans la forêt, bon ben il y a ce retour aux sources bien sûr que tout le monde connaît et que tout le monde a plus ou moins chanté, mais je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus lointain, de plus profond que ça, puis que les gens sentent peut-être plus ou moins confusément. Si on veut, je crois que c'est le côté magique du quotidien qui les attire dans la forêt. Le côté magique, c'est-à-dire que, bon ben de tous les végétaux, en somme, l'arbre est le géant. L'homme a toujours eu une espèce d'admiration pour les géants. Hein, on le voit encore maintenant avec King Kong, mais on l'a vu avant avec Gargantua, on l'a vu avec l'ogre du petit pouce. Enfin, il y a toutes sortes de choses comme ça. Il y a cette admiration pour les choses qui sont anormalement grandes ou anormalement petites. Alors, si vous voulez, bon, ben, l'arbre, c'est ça. C'est un petit peu... c'est le géant, en somme, de tous les végétaux. Et puis, sous son couvert, bon, on pense qu'il y a une espèce de protection. Et que cette protection-là, il faut quand même bien le dire, tous nos ancêtres l'ont subi, l'ont vécu, On l'a senti, on l'a vécu pendant des siècles et des siècles, et pendant des générations et des générations. Et il est probable que, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous autres, les Vosgiens, et certainement pour tous les gens qui habitent dans les massifs où il y a une grosse partie forestière, eh bien, c'est plus qu'un retour aux sources, c'est presque un retour dans la magie de l'enfance ou dans la magie des ancêtres. Monsieur Bouvarel, quelles sont à votre avis les caractéristiques de la forêt française ? Ah, il est difficile d'y répondre en très peu de temps. Enfin, on peut dire tout d'abord que c'est une grande forêt. C'est une forêt qui représente à peu près la moitié de la surface forestière de la Communauté économique européenne, 14 millions d'hectares. Et ce qui est assez remarquable aussi, c'est la façon dont elle a évolué au cours, disons, des dernières, presque des deux derniers siècles. De 8 millions d'hectares au début du 19e, elle a augmenté, elle est passée à environ 10 millions au tournant de ce siècle, et 11 millions à peu près à la fin de la dernière guerre, et maintenant 14 millions. Donc cela vous permet de mesurer et la constance de cette progression qui souvent est insoupçonnée, et d'autre part l'effort qui a été fait depuis la dernière guerre de 3 millions d'hectares environ d'accroissement de la forêt française, en partie grâce aux efforts du Fonds forestier national. Alors, qu'est-ce qu'elle représente aussi, cette forêt ? Elle est très, très variée, beaucoup plus variée que celle de nos voisins européens, et si on peut la comparer à celle d'un autre pays, toute proportion gardée, ce serait plutôt à celle des États-Unis. Nous avons des forêts de haute montagne, nous avons des forêts de plaine, nous avons des forêts avec des climat méditerranéen, d'autres en climat atlantique, et sur des types de sols extrêmement variés. Nous avons des forêts très productives, nous avons les plus belles forêts de chênes d'Europe et probablement du monde, nous avons aussi des forêts très dégradées, en région méditerranéenne par exemple, et très peu productives. Donc vous voyez l'importance et la variété de ce paysage forestier. Mais est-ce que vous pensez que le rôle de la forêt aujourd'hui est le même que celui qu'il était dans le passé ? La forêt a toujours été utile à l'homme, je crois que c'est tout de même presque un truisme, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, l'homme en a tiré des biens différents selon les âges. Elle a été, à l'origine, la réserve de terre fertile. C'est parce que sous la forêt, l'humus se conserve, le sol ne se dégrade pas, que lorsqu'on la défriche, on a une terre qui peut porter des cultures et donner des aliments. Elle a été aussi la provende pour l'alimentation du bétail, par le pâturage et par les glands pour les porcs. Elle a été, bien sûr, la presque unique source d'énergie par le bois de chauffage juste au siècle dernier. Bien sûr, maintenant, tout cela est complètement changé, mais elle a trois fonctions. La première, c'est sa fonction de protection des sols, qui est une fonction essentielle, et notamment en montagne, où le déboisement amène évidemment une dégradation et une érosion des sols, qui a été reconnue assez catastrophique au siècle dernier pour que d'excellentes lois, sous le Second Empire, entre 1840 et 1860, prescrivent un effort énorme de reboisement des forêts en montagne. À cette époque, les terrains des Alpes du Sud en particulier, des Pyrénées aussi, étaient tellement déboisés, tellement dégradés, que toute l'habitation en aval était menacée par des crues énormes de torrents. Et les forestiers de cette époque ont fait un effort vraiment admirable de reconstitution et de reboisement de ces forêts en montagne pour retrouver cette fonction de protection des sols. La deuxième fonction, c'est la fonction d'espace de loisirs et de détente. Et évidemment, cette fonction devient de plus en plus importante actuellement. La forêt est quelquefois considérée comme l'anti-ville, l'anti-béton. Bien, tout cela est bien, peut-être, peut-on se demander si il ne faudrait pas mieux rendre les villes plus habitables. Enfin, cela est une autre histoire. De toute façon, les forêts, et en particulier les forêts suburbaines, se voient de plus en plus attribuer cette fonction comme fonction principale. Bien entendu, les forêts plus éloignées, même si elles sont fréquentées par des touristes, ont aussi d'autres fonctions dont nous allons parler, en particulier celle de production du bois. Mais cette fonction de forêt loisir, je le répète, devient de plus en plus importante, elle est très perçue par le public, et on peut dire que le public manifeste des exigences, et en particulier manifeste des exigences sur l'aspect du paysage et sur la composition de ces forêts. Vous savez par exemple que depuis plusieurs années, des campagnes très importantes sont menées dans cet esprit-là contre les reboisements de résineux. Les gens préfèrent les feuillus. Alors là, on peut s'interroger. Évidemment, on peut se demander si ce n'est pas tout de même une vue très parisienne, parce que les forêts des alentours de Paris sont surtout composées d'espèces feuillues, et que si on posait la même question aux Grenoblois, on peut se demander s'ils ne préféreraient pas les sapinières. Nous avons fait des enquêtes à Forêt de Fontainebleau, qui est, comme vous le savez, le monument le plus visité de France, plus visité que la Tour Eiffel. Et là, nous avons vu par ces enquêtes qu'en fait, les préférences des gens vont à la forêt variée. C'est ni la forêt monotone de résineux, ni la forêt monotone de feuillus, c'est la forêt entrecoupée de clairières, la forêt d'espèces variées, mélangées feuillus résineux, qui a les préférences, et ça, on le conçoit très bien. Alors, on peut dire qu'actuellement, la politique forestière, dans toutes ces zones sensibles à la pression du public, tient compte beaucoup de ses goûts et de ses préférences, et évite des reboisements, par exemple, très monotones, ou bien fait des aménagements touristiques importants, et ça l'Office des forêts a fait un travail considérable pour rendre plus agréable au public les forêts de ces régions suburbaines ou les forêts très fréquentées par le tourisme. Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas, si près des autos qui fument, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison, et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville. Mais à qui appartiennent ces forêts? Qui les gère en fait? Alors écoutez, sur 14 millions d'hectares, en gros, on a entre 9 et 10 millions d'hectares qui sont des forêts particulières, appartenant à des propriétaires privés. Le reste, c'est ce qu'on appelle les forêts soumises au régime forestier, c'est-à-dire dont la gestion est assurée par l'Office national des forêts. Et ces forêts-là comprennent environ 2/3 de forêts appartenant aux communes et 1/3 de forêts domaniales, c'est-à-dire appartenant à l'État. Et les forêts particulières ont ceci de particulier, si je puis dire, c'est qu'elles sont très morcelées. Nous avons en France à peu près 1 600 000 propriétaires forestiers, dont 1 500 000 ont moins de 10 hectares. Alors vous voyez, c'est une forêt très morcelée, ça je crois que nous y reviendrons. Mais si vous permettez, j'ai parlé des deux premières fonctions de la forêt, pour laisser pour la fin la troisième fonction qui est celle de production du bois. Et de toute façon, dans la majorité des forêts françaises, c'est tout de même la fonction essentielle. Même maintenant, quelle que soit la façon dont le bois est utilisé maintenant par rapport à ce qu'il était autrefois, représente une richesse considérable pour notre pays. Alors production du bois, production de bois d'œuvre bien sûr, et je vous disais que la France était riche en très belles forêts, productrices de très beaux bois d'œuvre, qui pourraient pallier notre déficit du commerce extérieur, notamment en bois tropicaux, si ces bois d'œuvre étaient peut-être mieux transformés en France, parce que nous exportons quelquefois des grumes de chêne chez nos voisins et elles nous reviennent sous forme de meubles. Bon, y a là peut-être quelque chose à voir dans l'industrie de l'ameublement. Bois d'œuvre, bois d'industrie, tout cela est une richesse considérable qui fait vivre environ 600 000 personnes qui vivent de la filière bois, qui vivent de la transformation, de la production, de l'exploitation et de la transformation du bois. Alors cette production de bois, elle peut paraître faible. En France, par exemple, sur 14 millions d'hectares, et si on divise la production de bois par le nombre d'hectares, on arrive à une production très faible de 2,2 mètres cubes par hectare et par an. L'Allemagne, 3,8 mètres cubes par hectare et par an. Mais il faut tout de même corriger ces chiffres, parce que, comme je vous le disais, notre forêt est très variée, comprend des forêts de haute montagne, des forêts méditerranéennes très peu productives et dont la principale fonction n'est pas la production du bois. Alors, si on enlève ces forêts-là, on arrive autour de 3 mètres cubes, encore un peu moins que l'Allemagne, mais cela s'explique aussi parce que nous avons en France, c'est-à-dire à peu près 2/3 de feuillus, 1/3 de résineux, la proportion est inverse en Allemagne. Or, la croissance des résineux est en moyenne beaucoup plus forte que celle des feuillus, et ceci explique cela. Oui, on entend dire parfois que la forêt est en danger. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, en danger. Vous savez, comme tout espace naturel, elle est menacée par des phénomènes naturels, elle est menacée par des actions humaines. Les phénomènes naturels, la forêt, c'est un être vivant, les arbres sont des êtres vivants, ils sont menacés de maladies et de dégâts d'insectes. Et il est certain que là, les chercheurs ont un travail assez considérable à faire pour essayer de mieux connaître tout le mécanisme de ces attaques de champignons et d'insectes, la façon dont la forêt peut se défendre et la façon dont l'homme peut l'aider à se défendre, ce qui est une tâche très difficile compte tenu de ce qu'on appelle l'écosystème forestier qui comprend beaucoup d'êtres vivants et dont les interrelations sont très complexes. Alors d'autres ennemis, le feu bien sûr, nous avons connu cet été des incendies de forêt dramatiques dans le Midi. Le feu aussi, mais là, grâce, je crois, à une excellente loi, la loi de 1966 sur la protection et la reconstitution de la forêt méditerranéenne, nous sommes sur la voie d'un progrès pour la lutte contre les incendies de forêt, grâce à l'équipement des massifs, et espérons-le prochainement grâce à la mise en œuvre de moyens en homme permanents qui assisteraient en période de danger et qui, en dehors de la période de danger, nettoieraient et cultiveraient cette forêt méditerranéenne qui brûle peut-être parce qu'elle a été un peu trop abandonnée. Oui, je voulais vous demander, en fonction de quels critères on décide de faire pousser telle ou telle espèce de bois dans les forêts ? Tout d'abord, une grande partie de ces espèces, elles poussent. C'est la nature qui les a fait pousser, et je dirais, la nature a bien choisi, n'est-ce pas ? Les chênes poussent en général sur les terrains qui conviennent aux chênes, en plaine, les sapins ou les épicéas poussent en montagne. Mais ça, c'est normal, la nature a réparti les espèces végétales en fonction de l'écologie. Alors, quand nous avons à créer une forêt ou à transformer une forêt que nous jugeons trop pauvre parce qu'elle a été surexploitée, par exemple, eh bien, on essaye de faire la même chose, c'est-à-dire de connaître d'une part les conditions écologiques de sol, de climat qui règnent à cet endroit, sur ce terrain, et d'y mettre les espèces dont nous connaissons ce qu'on peut appeler le tempérament, de façon à adapter l'une à l'autre. Et tout cela en ayant tout de même comme objectif un objectif économique, c'est-à-dire la plupart du temps la production du bois. Donc vous voyez, il y a ces multiples impératifs. Créer des forêts qui soient bien adaptées, qui soient stables, permanentes, qui puissent résister à toutes les agressions, qui ne deviennent pas malades et qui produisent le maximum de bois. Alors pour cela, évidemment, la réflexion la plus simple, ce serait de dire, mettons là ce qu'il y avait autrefois, avant que l'homme défriche la forêt. Mais ce n'est pas toujours ce qui donnera le maximum de produits utiles, en quantité ou en qualité. Alors nous sommes quelquefois amenés à faire appel à ce qu'on appelle des espèces exotiques. C'est-à-dire aller chercher dans d'autres pays, dans des conditions écologiques analogues, d'autres espèces, parce que dans l'ouest de l'Amérique du Nord, par exemple, la gamme d'espèces sur laquelle la nature a joué pour constituer ses forêts n'est pas la même que celle dont elle disposait en Europe. Alors, nous allons chercher, par exemple, en Amérique, dans l'ouest de l'Amérique, dans des climats un petit peu analogues, sur des sols un petit peu analogues, des espèces qui sont beaucoup plus productives. Par exemple, un arbre qu'on appelle le Douglas, qui convient très bien pour beaucoup de nos sols, est maintenant la première espèce de reboisement en France. Et c'est un arbre qui, dans l'ouest de l'Amérique du Nord, occupe des forêts magnifiques et atteint des dimensions considérables. Et maintenant, je pense que nous avons déjà en France des forêts de Douglas qui sont bien adaptées et qui produisent, je vous disais tout à l'heure, la forêt française produit 2,2 mètres cubes par hectare et par an, ben nous pouvons avoir des Douglas qui produisent plus de 20 mètres cubes. On entend parler de forêts sauvages et de forêts naturelles. Quelle est la différence ? Ah, sauvage et naturel, écoutez, toutes les forêts autochtones, c'est-à-dire celles dans lesquelles l'homme n'est pas intervenu pour introduire ces espèces nouvelles, sont naturelles. Sont naturelles, c'est la nature qui les a créées. Mais attention, elles ne sont pas dans l'état de nature. À savoir que depuis longtemps, l'homme y est intervenu pour en tirer ses biens, pour ensuite l'aménager, pour favoriser les espèces dans ces forêts qui étaient la plupart du temps des forêts mélangées de plusieurs espèces pour favoriser celles qui lui paraissaient les plus utiles. Donc même si les forêts qu'on peut appeler naturelles, prenez par exemple les hêtraies de Normandie, finalement portent la marque de l'homme. Alors la forêt sauvage, sauvage vierge, je pense que c'est ce que vous voulez dire, il n'y en a pas en France. Et dans le monde, il y en a ? Ah oui, dans le monde, il y en a. En nous mettant déjà en Europe, il y en a peut-être encore quelques-unes, quelques lambeaux de forêts vierges où on peut penser que l'homme est peu intervenu, dans le nord de la Pologne, en Yougoslavie, mais c'est vraiment très très peu. Dans le monde, oui, bien sûr, il y a les forêts intertropicales, beaucoup des forêts intertropicales sont des forêts vierges, également les forêts, une partie des forêts boréales aussi, surtout en Sibérie, sont des forêts où l'homme est encore très peu intervenu. Et combien de temps met un chêne pour pousser par rapport à un bouleau, par rapport à un pin ? Quelles sont les différences de temps ? Elles sont, oui, pousser, c'est-à-dire arriver à l'âge adulte ou arriver à l'âge où il fait des enfants. Vous voyez, c'est un peu différent. Disons, pour prendre une belle dimension, pour arriver à ce qu'on peut appeler l'âge adulte, un chêne, il lui faut 140 ans, 150 ans, vous voyez, pour arriver à son majestueux développement et pour pouvoir donner une bille de bois qui est exploitable pour faire un bois de bonne qualité, à peu près cet âge-là. Un sapin, un peu moins, 100-120 ans. Un Douglas, on parlait du Douglas tout à l'heure, arrivera à peu près aux mêmes dimensions à 60 ans. Un peuplier à 25-30 ans. Et nous avons maintenant engagé des recherches sur la sélection de ces espèces. On essaye de sélectionner des espèces d'arbres très performantes, comme on a sélectionné des variétés de blé ou des variétés de pommes. Bien sûr, c'est assez long, mais enfin, nous arrivons au moment où ces variétés nouvelles vont être mises dans les 5 ans à venir, à peu près, dans le commerce. Et là, nous espérons avoir des productions encore bien plus considérables, c'est-à-dire avoir des arbres exploitables aux environs d'une vingtaine d'années pour des résineux ou pour certains feuillus. Et puis nous pouvons aussi, surtout actuellement, avec les problèmes de la crise de l'énergie, nous pensons, et beaucoup de gens pensent, à créer des forêts à très courte révolution. Des forêts qui puissent être exploitables à une dizaine d'années et fournir des quantités considérables de bois pour la production d'énergie ou pour la production de matières premières pour l'industrie chimique, enfin pour pallier un peu la crise de l'énergie et des matières premières que nous connaissons. Oui, justement, vous parlez de la crise de l'énergie. Je voulais vous demander, il y a des écologistes qui déplorent le fait qu'on déboise les forêts et qui, par ailleurs, prônent des sources d'énergie naturelles. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à ce niveau-là ? Ben oui, c'est un peu ce que nous disons à nos amis écologistes, puisque nous sommes des écologistes. Vous savez, les forestiers ne peuvent pas être autre chose que des écologistes. Il faut bien être clair là-dessus. Le premier cours d'écologie qui a été donné en France est peut-être dans beaucoup de pays d'Europe, l'a été donné à l'École nationale des eaux et forêts. Quand j'étais élève ici à l'École nationale des eaux et forêts, en 1945, j'ai entendu pour la première fois parler d'écologie. Oui, il s'est passé du temps avant que ça vienne dans le public. Bon, ceci dit, en effet, il y a une contradiction entre le fait de ne pas vouloir couper de bois et le fait de ne vouloir que des sources d'énergie naturelle. Il faut choisir entre l'énergie nucléaire ou bien l'utilisation de tout ce qui nous est donné comme source d'énergie renouvelable, y compris ce que peut apporter la forêt et ce qu'elle peut apporter, voyez-vous, Je crois que c'est surtout une meilleure utilisation du bois qui est exploité, en particulier une meilleure utilisation des déchets. Parce que tout de même, il reste beaucoup de déchets en forêt. On peut sûrement mieux valoriser ces déchets, imaginer des systèmes de récolte et de transformation, et peut-être là apporter un petit supplément en production énergétique aux besoins de la France. Est-ce que dans l'ensemble, vous êtes optimiste sur l'avenir de la forêt dans les pays, disons, européens ? Écoutez, si j'étais pas optimiste, d'abord je ferais pas ce métier parce que on travaille pour le siècle prochain. La plupart des forêts que connaîtront nos enfants vers l'an 2000, elles existent déjà. Alors ce que nous faisons, c'est pour préparer les forêts du siècle prochain. Je suis convaincu que au siècle prochain, l'homme aura besoin de la forêt. Je sais pas exactement comment ni pourquoi, c'est bien difficile de le savoir. Bon, on peut dire bien sûr qu'il aura besoin de la forêt pour s'y promener, qu'il aura besoin de la forêt pour protéger ses sols, mais je crois aussi qu'il ne pourra pas négliger, dans un siècle où, très vraisemblablement, les ressources énergétiques devront être repensées. Je ne pense pas tout de même que même le nucléaire, que même la fusion nucléaire apporte brutalement une ressource énergétique telle qu'on puisse se dispenser d'y réfléchir et qu'on l'ait de façon très abondante. Alors, la forêt va apporter finalement des molécules élaborées. Alors, c'est un endroit où, sans gros investissements, par l'énergie solaire, on obtient une variété considérable, une quantité appréciable, de matériaux moléculaires élaborés qui s'appellent le bois, mais avec son infinie variété, qui pourrait être utilisé, bon, pour faire des meubles, n'est-ce pas? Parce que je pense qu'il y a une espèce d'accord entre l'homme et le bois, et que même plus tard, moi je préfère toucher une table en bois qu'une table en plastique, je pense que je suis pas tout seul. Et puis pour faire aussi, je pense, des matériaux tels que du papier, ou des papiers carton, c'est tout de même une bien commode, d'avoir ces fibres du bois. Peut-être pour produire de l'énergie, comme on le disait tout à l'heure, peut-être aussi pour faire des aliments, parce qu'à partir de ces molécules élaborées, on peut faire des aliments, notamment des aliments du bétail. Je ne sais pas, mais ce dont je suis certain, c'est que les produits de la forêt seront utilisés au siècle prochain. C'est pourquoi je suis, comme vous dites, optimiste. À l'orée des forêts, le chêne ténébreux allie connaissance avec deux amoureux. Grand chêne, laisse-nous sur toi graver nos noms. Le grand chêne n'a pas dit non. Quand ils eurent épuisé leur grand sac de baisers, quand de temps s'embrasser leurs becs furent usés, ils ouïrent alors en retenant des pleurs le chêne comptant ses malheurs. Grand chêne, viens chez nous, tu trouveras la paix. Nos roseaux savent vivre et n'ont aucun toupet. Tu feras dans nos murs un aimable séjour, arrosé quatre fois par jour. Cela dit, tous les trois se mirent en chemin, chaque amour tenant une racine en main. Comme ils semblaient contents, comme ils semblaient heureux, le chêne entre ses amoureux. Au pied de leur chaumière, ils le firent planter. Ce fut alors qu'il commença de déchanter, car en fait d'arrosage, il n'eut rien que la pluie, les chiens levant la patte sur lui. On a pris tous ses glands pour nourrir les cochons. Avec sa belle écorce, on a fait des bouchons. Chaque fois qu'un arrêt de mort était rendu, c'est lui qui héritait du pendu. Puis ces mauvaises gens, vandales accomplis, le coupèrent en quatre et s'enfuirent d'un lit. Et l'horrible mégère, ayant des tas d'amants, il vieillit prématurément. Un triste jour enfin, ce couple sans aveu le passa par la hache et le mit dans le feu. Comme du bois de caisse, amère destinée, il périt dans la cheminée. Le curé de chez nous, petit saint besogneux, doute que sa fumée s'élève jusqu'à Dieu. Qu'est-ce qu'il en sait le bougre, et qui donc lui a dit qu'il n'y a pas de chêne en paradis? Qu'il n'y a pas de chêne en paradis? Quand on prend de la forêt, si vous voulez, aux meubles que vous avez chez vous, comment se décompose la chaîne, en gros? Qu'est-ce qui se passe entre le moment où l'arbre est scié, disons, et le moment où il se retrouve placard? Oui, il y a toute une filière, en effet, d'industriels tout à fait variés. Vous avez d'abord ce qu'on appelle l'exploitant forestier. Le terme pourrait faire confusion, parce qu'on sait ce que c'est qu'un exploitant agricole. Un exploitant agricole, c'est quelqu'un qui est soit propriétaire, soit fermier, soit éventuellement métayer, et qui, par conséquent, vit sur une terre qu'il exploite. L'exploitant forestier, c'est pas vrai du tout. L'exploitant forestier achète des bois à un propriétaire forestier qui est indépendant de lui. Il les abat, il les tronçonne en éléments divers, puisque vous imaginez facilement que dans un arbre, de la base au faîte, les qualités sont tout à fait différentes. Une branche, si se conçoit aisément, ne va pas avoir les mêmes qualités qu'un beau tronc bien lisse, n'est-ce pas, et bien droit. Alors, l'exploitant forestier mobilise donc le bois et le vend à qui ? Eh bien, il vend à deux ou trois catégories de personnes qui sont essentiellement des scieurs. 90% du bois d'œuvre, ce qu'on appelle le bois d'œuvre, c'est-à-dire du gros bois, n'est-ce pas, du bois qui a un diamètre, disons, pour simplifier les choses, supérieur à une quinzaine de centimètres, n'est-ce pas ? Eh bien, tout ce bois-là est, ou presque tout ce bois-là, est scié. En madrier, en planche, en chevron, enfin, tout le monde sait bien ce que c'est que le boissier. Le reste, qui s'adresse généralement à des bois de grande qualité, il est déroulé ou tranché. Alors ça, ce sont deux procédés qui ne sont peut-être pas familiers à l'ensemble des gens. Le déroulage, c'est quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Ça consiste à mettre une bille de bois, c'est-à-dire un morceau de tronc, n'est-ce pas, entre deux pointes, un peu comme un tour. Tout le monde sait ce que c'est qu'un tour, n'est-ce pas? Et on le fait tourner. Et un grand couteau, parallèle à l'axe de l'arbre, s'avance petit à petit sur le bois, en train de tourner, et détache par conséquent une grande feuille, hein, ininterrompue, à partir de cette grume en train de tourner, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un petit noyau. Ça l'épluche en quelque sorte, mais l'épluchage est très beau, c'est pas comme une peluche de pomme de terre. C'est une très belle feuille de bois, n'est-ce pas, avec... avec ses vénures, etc. Ceci, c'est pour la fabrication du contreplaqué. Et alors, le tranchage, lui, eh bien, c'est comparable à la machine à couper le jambon. Sauf que le couteau est droit au lieu d'être circulaire. Mais c'est une machine qui va donc détacher, alternativement, des feuilles sur une bille préalablement équarrie, n'est-ce pas ? Un petit peu comme un jambon. Ce procédé-là, on le réserve au bois de très grande qualité parce que ça conserve véritablement très bien les maillures, la veine, la figuration du bois. C'est ce qu'on appelle la première transformation. Et alors après ça, les produits issus de cette première transformation, c'est-à-dire les sciages, les plaquages, puisqu'on appelle plaquage tout ce qui sort des dérouleuses et des trancheuses, vont alimenter les industries dont je vous ai parlé tout à l'heure, la charpente, la menuiserie, l'emballage, l'ameublement, etc. etc. Voilà qu'elle est très résumée la filière. Sur un tout autre plan, le bois n'est pas seulement un engouement sur le plan écologique, mais on en parle aussi à l'heure actuelle pour essayer de pallier la crise de l'énergie. On en parle comme une source possible d'énergie. Qu'en est-il ? Oui, alors la réponse est certainement affirmative, mais c'est un oui mais. Elle est affirmative parce que bon, je pense que nous n'apprendrons à personne que depuis des éternités, l'homme se chauffe avec du bois. Bon. Et n'oublions pas qu'à l'heure actuelle, dans le monde entier, si vous considérez le monde, plus de la moitié des quantités de bois abattues dans le monde servent à chauffer les hommes, ou bien à la cuisine. Mais c'est quand même du chauffage. Alors, naturellement, ça n'est plus tout à fait vrai pour les pays comme la France, les pays, disons, développés, entre guillemets, n'est-ce pas ? Depuis longtemps, chacun sait qu'on se chauffe au mazout, ou à l'électricité, ou au gaz. Dans l'état actuel de la crise de l'énergie, il vient de se passer un phénomène, n'est-ce pas, tout à fait intéressant. C'est que le bois de chauffage, sous ses diverses formes, il y en a beaucoup, qui était plus cher que le mazout, eh bien, son prix est devenu le même. Et même son prix a maintenant tendance à être inférieur à celui du mazout. C'est parce que le mazout a augmenté de prix. Alors que le bois, lui, bien sûr, augmente de prix, mais dans des proportions qui n'ont rien à voir avec l'augmentation du prix du pétrole. Il reste encore deux handicaps. Un, qu'on peut probablement surmonter, qui est le fait que c'est plus facile de mettre du mazout dans votre cuve que de vous approvisionner en bois. Par contre, le problème n'est pas du tout le même à la campagne, ou même en zone rurale dans un village. Et là, il est absolument certain, et d'ailleurs on commence à le voir, que les gens se réintéressent d'une façon tout à fait considérable au chauffage au bois, parce que premièrement, c'est un chauffage qui devient un peu plus économique, et deuxièmement, eh bien, ça pousse en France le bois, tandis que le pétrole, il pousse en Arabie. Alors c'est tout de même un petit peu différent. Alors le deuxième handicap, malheureusement, lui, est beaucoup plus important, et il est... pas sans remède, mais il y a peu de remède. Nous avons vu ensemble tout à l'heure tous les emplois du bois. Eh bien, l'emploi en énergie, bien sûr, on peut brûler tous les bois, n'importe lesquels. Mais vous n'allez tout de même pas brûler un bois qui est capable de vous faire une belle charpente, ou qui, a fortiori, est capable de vous faire un très beau meuble. D'abord, premièrement, personne n'y penserait, parce que le prix est tout à fait différent. Le prix du bois que vous allez acheter pour faire un meuble est 10 fois plus élevé que celui que vous allez acheter pour vous chauffer. Par conséquent, personne ne tombera dans ce panneau. Donc, pour le chauffage, les quantités de bois qui pourront être utilisées, et qui sont d'ailleurs en compétition avec celles qu'utilisent les papetiers, c'est les mêmes catégories, et les fabricants de panneaux, c'est les mêmes catégories, ben elles sont limitées. Elles sont limitées à la production des forêts du globe, à la production de la forêt française. Et ça, on n'y peut rien. Alors, je vous donne un ordre de grandeur. Actuellement, les quantités de bois utilisées au chauffage en France représentent à peu près 2% à 3%, 2%, 2,5% de la consommation totale d'énergie. Et on fait les projets, bien entendu, pour l'augmenter. Si on arrive à 4 ou 5%, ce sera très beau. Et dans le domaine de la chimie maintenant, quel rôle joue le bois et quel rôle pourrait-il jouer dans les hydrocarbures notamment ? Dans le domaine de la chimie, le rôle que joue le bois actuellement est tout à fait modeste. Et dans l'avenir, bien sûr, c'est un grand point d'interrogation, mais votre question vient tout à fait à point, car elle se raccorde directement à ce que nous venons de dire. Parce que le bois pour les emplois chimiques, c'est le même que pour le chauffage, c'est le même que pour les pâtes à papier, c'est le même que pour les panneaux. Par conséquent, il va falloir que, n'est-ce pas, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, ben la forêt française à cet égard ne pourra donner que ce qu'elle a, et la forêt des pays du monde aussi. Alors est-ce à dire que le bois ne pourra pas avoir des utilisations chimiques ? Non, je ne crois pas qu'il faille aller jusque-là. En effet, on fait actuellement... En France, un petit peu, ça commence, mais dans certains pays étrangers comme l'Amérique ou l'Union soviétique ou les pays nordiques, on fait des grandes recherches, des recherches extrêmement importantes, et d'ores et déjà, il existe des petites unités expérimentales ou des petites unités pilotes qui fabriquent un certain nombre de produits chimiques, dont du pétrole. Enfin, du pétrole. Des huiles combustibles, n'est-ce pas, des huiles distillables. Alors, c'est donc possible sur le plan technique. Pour l'instant actuel, ça revient 3 à 4 fois plus cher que le pétrole, encore maintenant. Mais rien ne dit que dans une vingtaine d'années, les experts s'accordent à dire que ça durera 20 ans. Rien n'empêche de penser que dans une vingtaine d'années, le prix deviendra compétitif. Et alors à ce moment-là, on trouvera dans le bois cet avantage considérable, c'est que c'est une matière renouvelable. Mais cet inconvénient considérable, c'est que les surfaces forestières sont limitées et la production forestière est limitée. Alors finalement, si vous dressez le bilan, au XXIe siècle, d'après vous, le bois occupera une place plus grande ou moins grande que celle qu'il occupe aujourd'hui ? Il occupera une place plus grande. Vous savez qu'il est très dangereux de prophétiser. Alors j'ai dit ça avec beaucoup d'aplomb, mais je le crois. Il occupera une place plus grande parce qu'il est renouvelable. Et que, qu'on le veuille ou non, quelles que soient les découvertes pétrolières ou minières, elles sont limitées. Ce sont des réserves statiques. Une fois qu'on les aura épuisées, ce sera fini. Or, les besoins en énergie du monde vont croissant. Même avec les économies d'énergie, il est peu pensable qu'on les réduise, n'est-ce pas ? Peut-être arrivera-t-on à les stabiliser, mais pas à les réduire. Ils sont considérables. Par conséquent, tout ce qui est matière renouvelable, que ce soit le bois, que ce soit le soleil, que ce soit le vent, que ce soit les vagues, les marées, eh bien, tout ça va occuper une place croissante. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. C'était l'épopée des matières premières, une suite d'émissions d'Olivia Zemmour, Michel Pierre et Daniel Wolfram, réalisée par Olivier Dorère. Aujourd'hui, le bois, avec la participation de Alain Persuit, écologiste, auteur du livre « France, ta forêt foulcan », de Jean Saltel, écrivain, spécialiste de la forêt vosgienne et des bûcherons de Gérardmer, de M. Bouvarel, directeur du département forestier de l'Institut national de recherche agronomique, et de M. Brunet, directeur du Centre technique du bois. Prochaine émission, le coton. Cette émission a été diffusée la première fois le 20 août 1980 sur France Culture. À suivre. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.